Bienvenue dans ce 7e numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett and the Blackhearts. Mettons tout de suite les choses au clair, j'ai volontairement dit une bêtise d'entrée. I Love Rock'n'Roll, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une chanson de Joan Jett. Oui, tout le monde connaît cette version, qui date de 81, mais c'est une reprise. À l'origine, c'est un morceau du groupe The Arrows. You have failed this city. Merci Oliver. C'était un groupe de rock anglo-américain qui a existé entre 1974 et 1977. Alan Merrill et Jack Hooker, le chanteur et le guitariste, ils ont écrit cette chanson en 1975 en réaction au morceau des Rolling Stones, It's Only Rock'n'Roll, qu'ils interprétaient comme une apologie du monde de la jet set. Ça leur plaisait pas du tout que le rock soit associé à ce monde-là. Bon, c'est juste leur interprétation à eux, hein. Parce que quand on écoute la chanson des Stones, le rapport saute pas vraiment aux yeux, enfin aux oreilles. Pour revenir à I Love Rock'n'Roll, Alan Merrill explique qu'il avait le refrain en tête et que pour lui, il tenait un 8 en puissance. Et il a écrit le morceau en développant cette idée, mais façon 4ème dimension. Je vous explique. Les couplets et le refrain sont pas liés directement. Les couplets parlent d'un flirt entre deux adolescents qui écoutent depuis un jukebox un tube, qui est le I Love Rock'n'Roll. Et ce tube dans la chanson, ça devient le refrain. Vous avez suivi ? À écouter le morceau, on dirait pas que c'est aussi complexe quand même. À cause d'erreurs de leur producteur, la chanson n'a pas eu la promo qu'il aurait méritée. Mais ils interprètent quand même une fois le morceau à la télévision anglaise, et ça marque les esprits du producteur télé, qui leur offre une émission hebdomadaire l'année d'après. Et c'est là qu'on revient à Joan Jett. Elle est en tournée en Angleterre avec son groupe de l'époque, les Runaways, et elle tombe sur l'émission de télé de The Arrows. Elle adore la chanson et veut absolument en faire une version. Ce sera chose faite une première fois en 1979, où elle interprète I Love Rock'n'Roll avec d'anciens membres des Sex Pistols. Mais cette version ne sortira pas. Enfin, elle sortira en 1993, sur une réédition. La version mondialement connue arrive en 1981 sur le second album de Joan Jett and the Blackhearts. Et là, c'est le carton direct. Elle est numéro 1 aux US, en Europe, en Australie, en Afrique du Sud, bref, partout. Dans la version originale, c'est le garçon qui drague la fille, et dans la reprise de Joan Jett, c'est le contraire. Et ça va contribuer à son image de rockstar badass. Le morceau va devenir un peu un hymne contre le sexisme. Et d'autres rockeuses comme Courtney Love, par exemple, vont s'en inspirer. On arrive à la partie reprise, mais du coup, je vous ai encore pas passé l'original. Alors on va commencer par celle-là. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Il existe des dizaines et des dizaines de covers, et pour commencer, j'ai choisi une version un peu dance, électro, soupe, bon, un peu dégueu, hein, d'Alex Baudino et Jason Rooney en 2008. Au vu du clip, le côté féministe prêté au morceau, prend un sacré goût. I'm Lavons-nous les oreilles avec une version country folk de Acid Dixie en 2011. I saw her dancing there by the record machine. I knew she must have been about 17. Feet going strong, playing my favorite song. I tell it wouldn't be long, she was with me, yeah, me. Tell it wouldn't be long, she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, putting up a dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, come on, spend time and dance with me. So I got up and asked her name. That don't matter, she said, cause it's all the same. She said, can take you home, we can be alone. Next we're moving on, she was with me, yeah, me. Next we're moving on, she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, putting up a dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, come on, city time and dance with me. Un peu de hip-hop, j'en ai encore pas passé dans l'émission alors que j'en écoute énormément. C'est une adaptation qui date de cette année par Moccasin Creek et Megan Ruger. I'm a fatherly soul, yes. Hands in the sky, middle fingers flying. Gotta ask why all you dudes keep trying. Keeping up with the bull is gonna wear you out eventually. So much game, they just threw a damn penalty. Give me 15, I'll take that 31. Put the pressure on me, baby, like a Mercury song. Finished, not even started yet. Take my rock and my rolling head out like Jet. He said, can I take you home where we could be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah, me. He was with me, yeah, me. He was with me, yeah, me. And next we're moving on, singing. Et c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @YannickDoc ou @82BPMPodcast. Merci pour les messages, les retweets, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. L'émission est dispo sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, sur PodRadio aussi, et sur un site russe. Bon voilà, je sais pas comment ça arrive là-bas, mais bon. Vous retrouvez tous les liens dans la description de l'épisode. Allez, je vous laisse avec un petit live de 1983. À bientôt. You know what I love? You got it, man. I love rock and roll. By the record machine, knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And up until it wouldn't be long, is it me? Yeah, me. And up until it wouldn't be long, is it me? Yeah, me. I love rock and roll. The same. I'm saying, can I take you home where we can be alone? And it's moving on. Here's with me.